C'est fou, 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage de qui? On accueillera un nouveau chroniqueur qui parlera du continent africain dans Voix d'Afrique. Et Talia africotera avec les sports et les loisirs. Dans son segment hebdomadaire, sport et pioché. Assemblage qui commence tout de suite. Assemblage qui pour toi, aujourd'hui. Assemblage qui pour toi, aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce lundi 27 février 2017 à 59 jours de la fin de l'année scolaire. Attendez, c'est en direct des studios de Tifo à Trois-Rivières. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Tania qui s'étouffe, ça va? Oui, je me suis vraiment étouffée à un mauvais moment. Oui, absolument. Donc, le soleil qui est de retour aujourd'hui. Ok, oui, on aime content. Ça. Absolument. Température assez douce oui. Ce matin. En fait, c'est semaine, pas c'était, trop agressif. C'était glacé, c'était pénible. C'était glacé et très mouillé, hein, mettons. Ouais. La pluie, là, on aurait pu s'en passer sur un bon temps. Mais on n'est pas là pour vivre dans le passé. Non, exactement. On est là pour vivre dans le futur et le présent et tous ces endroits-là. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on va avoir ta chronique de sport qui s'en vient, sport et filoché. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui à des gens qui perdent, je pense? Pour certains, oui. Plusieurs fins de saison pour plusieurs équipes de la Mauricie, que ce soit pour nos Patriotes de l'UQTR ou encore pour certaines équipes. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est avec ça un petit peu plus tard dans Sport et Flush. Vers les 8h30. Ensuite, à la fin de l'émission, on va faire du site un fait pour apprendre quelques petites affaires. La semaine de relâche s'en vient. Il faut s'accumuler le plus d'informations possible pour pouvoir décrocher après ça. On va aussi avoir un nouveau chroniqueur qui va venir nous parler d'Afrique. En fait, son segment s'appelle Voix d'Afrique. Mm-hmm. On va en discuter avec lui vers les 8h. Mais dans quelques instants, on va faire un petit peu de son foutu palmarès. Mm-hmm. Pour le fun, on va faire une liste sur différents sujets. On va parler de nourriture aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, des festivals de nourriture. Oh! Pourquoi pas dans quelques instants, mais avant ça, on va se chuchoter des mots tendres à l'oreille pour se réveiller en ce lundi matin. Voici Murmures et Écho. Sur C'est fou. Thank you. écho de murmures. Mm-hmm. C'est quelque chose qui s'écoute bien le matin. À 7h30, pas mal le max. Exactement. Une longue pièce très tranquille. Maintenant, on va essayer de se dégourdir un petit peu. Voici son foutu palmarès. C'est la chronique dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, on a décidé de parler de nourriture, comme on le fait habituellement. Assez souvent. Ouais, c'est pas mal le classique. Donc aujourd'hui, c'est la liste de 12 festivals alimentaires extrêmement délicieux, nous dit-on. Ah, la nourriture, c'est toujours très populaire dans les festivals, donc de Hawaï à New York. Un petit palmarès de ça. Commençons par le Waikiki Spam Jam. OK, oui. C'est pas une chance que c'est pas de la confiture et du spam, parce que jam, on sait que c'est de la confiture. Ouais. Donc les résidents d'Hawaï mangent plus de spam, de cam, des fois qu'on appelle, même si c'est pas littéralement la même chose que n'importe quel autre État américain. Donc c'est bien normal que les Hawaïens fassent une fête pour cette nourriture en canne. Vous savez, c'est avec la petite clé pour tourner sur le côté. Là. Donc le Waikiki Spam Jam attire des foules de 25 000 personnes pour une seule journée. Plusieurs restaurants sont là pour montrer leur recette unique à base de spam. Donc ça se passe sur Kalakaua Avenue avec du divertissement gratuit. Et c'est une levée de fonds pour l'Hawaii Food Bank où on peut donner des cannes de spam au festival. Ça va avoir lieu le 29 avril 2017 pour le Spam Jam. Ooh. Ensuite, on y va avec le Winchester Beer Cheese Festival. Tu vois, quelque chose que je trouve un petit peu plus délicieux, là, du fromage et de la bière. Mm-hmm. Clairement, ça doit être assez populaire. Absolument. Donc ici, par contre, on parle de fromage à la bière. OK. Beer Cheese. Ça devrait être... on dit que c'est apparu dans les années 1940 au restaurant de Johnny Allman dans le Kentucky. C'est un mélange de fromage, de bière et d'épices qui est fabriqué par plusieurs compagnies qui donc font convergence à Winchester dans le Kentucky en juin pour le Winchester Beer Cheese Festival. Il y a une compétition pour les fabricants de fromage à la bière, amateurs et commerciaux. Il y a d'autres nourritures, des arts, du divertissement, des activités familiales. Et les dates pour le 2017 Beer Cheese Festival n'ont pas encore été annoncées, mais l'événement est sur Facebook au / Beer Cheese Festival. Ensuite, le RC Moon Pie Festival. RC, tu connais le RC Cola? Ça me dit quelque chose, oui. La oui. boisson gazeuse, oui. Imitation de Coke. Donc, la tradition dans le sud des États-Unis de savourer une moon pie, qui est vraiment comme les demi-lunes vachons, mais sans le demi, là, c'est ouais. des lunes vachons. Bref, avec un RC Cola, c'est donc à Bell Buckle, dans le Tennessee, qu'on fait le RC Moon Pie Festival. Ça a lieu chaque année, le troisième samedi du mois de juin. Ça a commencé en 1994, dans la ville qui a une population de seulement 405 personnes. Essayer de trouver une célébration pour le 75e anniversaire de la compagnie de Moon Pie. Donc, le premier festival a tellement été un succès que Bell Buckle a décidé de répéter ça chaque été. Parmi les événements, il y a le concours de la personne qui a voyagé le plus pour se présenter au Moon Pie Festival. Mm-hmm. Il y a une course à pied, une parade, plein de trucs comme ça. C'est une cérémonie où on coupe le plus grand Moon Pie du monde. Et le RC Moon Pie Festival 2017 va avoir lieu le 17 juin. Ensuite, le Whoopie Pie Festival, ça ressemble pas mal à un Joe Louis, une Whoopie Pie, si vous avez déjà essayé ça dans les dépanneurs des fois. Même chez les couche-tard, en ce moment, ils vendent des Whoopie Pie, et ça ressemble vraiment beaucoup à un Joe Louis. Ah ouais? Donc, c'est une gâterie de la Nouvelle-Angleterre. C'est deux gâteaux au chocolat avec un remplissage à la crème, du glaçage ou encore des guimauves à l'intérieur, donc ça dépend de la recette. Est-ce que tu as déjà goûté une vraie Whoopie Pie? Non. Non. Non. Donc, c'est le dessert officiel de l'État du Maine, le Whoopie Pie, et le Maine Whoopie Pie Festival à Dover Foxcroft. Donc, c'est là que ça se passe. C'est un événement signature qui est là-dedans, entre autres, donc la compétition de fabrication de Whoopie Pie. Et si vous aimez mieux manger que cuisiner, il y a aussi un concours pour manger les Whoopie Pie. Et après ça, on peut perdre du poids ou perdre le poids qu'on a accumulé en dansant dans les rues toute la nuit. Donc, le 2017 Maine Whoopie Pie Festival qui devrait se passer le 24 juin. Ensuite, on continue avec le Phelps Sauerkraut Weekend. Est-ce que t'aimes la choucroute? Ça dépend quand. Vinaigré un peu? Ouais. Ouais. Donc, à New York, dans la ville de Phelps, c'est connu pour sa production de sauerkraut, donc de la choucroute. Et en 1967, la Chambre de commerce s'est accompagnée de Silver Floss Sauerkraut pour lancer le premier Phelps Sauerkraut Weekend. 50 ans plus tard, ça a toujours lieu, même si la production de choucroute a diminué dans la ville. C'est un événement sur 3 jours, entre autres une compétition de recettes de choucroute, un concours évidemment de mangeage de choucroute et un concours de décoration de tête de chou. Oh, d'accord. Donc le 2017 Phelps Sauerkraut Weekend va être du 4 au 6 août. Ensuite, Sacramento Banana Festival, le festival de bananes. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, c'est le fruit jaune préféré de tous. Le festival a lieu à Elk Grove, en Californie. C'est une levée de fonds pour le National Academic Youth Corps. Entre autres, parmi la nourriture qui était présentée au 2016, donc l'année passée, il y avait entre autres de la guacamole aux bananes, des kebabs, shish kebab aux bananes, pudding gingembre banane, tacos aux bananes. OK. Et plusieurs autres. Il y a un concours donc contre Oakland et pas mal de divertissements et d'activités familiales. On connaît pas encore les dates de 2017, mais ça devrait être habituellement au mois d'août. Ensuite, le Ligonier Marshmallow Festival, festival de la guimauve. Mm-hmm. C'est à Ligonier en Indiana qui a inauguré ce festival-là en 1952. Ça a été nommé Strawberry Valley Days en l'honneur des installations de fraises locales. Donc, 40 ans plus tard, ça a été reconstitué pour célébrer un autre type de nourriture, donc la guimauve, pour faire plus original. En 1992, ces gâteries-là étaient devenues une des plus grandes industries de la ville. Maintenant, le Ligonier Marshmallow Festival a lieu chaque fin de semaine de la fête du travail. Il y a plusieurs activités, entre autres des jeux de guimauve, un concours de recettes de guimauve, des photos avec le Monsieur Guimauve, Marshmallow Man, la mascotte, et bien sûr, des guimauves autour du feu. Ben, okay. Et pour se nettoyer le palais un petit peu, hein, toi et ta bosse de palais aujourd'hui, oui. Vous allez pouvoir vous nettoyer ça avec un concours de mangeage de pizza, ce qui n'a rien à voir avec la guimauve, mais quand même. Le festival de la guimauve va avoir lieu du 1er septembre jusqu'au 4 septembre. Ooh. Ensuite, le Lower East Side Pickle Day, la journée du cornichon à Manhattan. Ça doit être quelque chose qui attire beaucoup de monde aussi. Ah, tu t'aimes pas les cornichons, toi? J'aime pas les cornichons sucrés. Ah oh! Tu les aimes à la nette? Ouais, exactement. Oh. Donc, parlant de journée de l'automne, dans le Big Apple, oui, à Orchard Street, c'est rempli de vendeurs, de camions de nourriture, comme ça, qui vendent des cornichons, des concombres marinés et d'autres légumes. Là, c'est la même chose, les concombres marinés et les cornichons. Ça ressemble, ouais. Donc, le festival est rempli de divertissements, entre autres un concours de danse et de pickling, donc de marinade. Donc, on va danser en faisant de la marinade. Hein? C'est le 2017 Pickle Day, la date n'a pas encore été annoncée. Ensuite, le Bridgeville Apple Scrapple Festival. Qu'est-ce que c'est? C'est un plat de ce qu'on appelle les Pennsylvania Dutch, donc pas vraiment littéralement les Hollandais, mais les gens de la Pennsylvanie. C'est une façon de s'assurer qu'il n'y a pas de gaspillage lorsqu'on tue des animaux. Donc des morceaux de porc sont formés en forme de pain avec de la farine et du truc de maïs cornmeal. En tout cas, et donc c'est frit dans une poêle. Donc le Bridgeville Apple Scrapple Festival au Delaware célèbre les déchets de pommes, scrapple et les pommes, leur saison de moisson. Donc plusieurs événements, entre autres le Scrapple Chunkin Contest, où j'imagine qu'on lance des déchets de pommes, Kids Apple Toss, donc le lancer de la pomme, et le Home Decorating Contest, où les résidents de Bridgeville oui, vont décorer leur terrain sur la thématique des pommes et des déchets de pommes. Donc 2017 Apple Scrapple Festival, ce sera le 13 et le 14 octobre. Ensuite, on va à Portland, en Oregon, pour le Bourbon and Bacon Fest, qui vient de terminer son deuxième événement annuel donc de bacon et d'amoureux de l'alcool, de bière. Mm-hmm. Vous allez devoir attendre peut-être à l'année prochaine, étant donné que ça vient de se terminer. Commencé par le Oregon Museum of Space and Industry, donc le musée de l'espace et de l'industrie. Cet événement met en vedette donc des entrées de porc de différents restaurants locaux, des boissons de différentes microbrasseries et la liberté de pouvoir se promener dans les musées sans aucun enfant. Intéressant. Ensuite, les enfants sont pas admis. Pas d'enfants. Ensuite, le Fillsmere Frog Leg Festival, donc le festival de la pâte de grenouille, de la cuisse de grenouille, oui, comme on l'appelle. Donc, les seuls festivals alimentaires qui ont lieu dans le mois de janvier, parce que Fillsmere est en Floride, où il fait toujours chaud, bien sûr. Donc, la municipalité va ramasser des fonds pour les parcs et loisirs pour les enfants. Et il y a des concours, du divertissement, des trucs où on monte des voitures, un car show, il y a un carnaval et de la cuisse de grenouille à volonté dans le festival. C'était donc, ça vient d'avoir lieu, mais le prochain va être donc en 2018 et on l'a pas encore annoncé côté date. Et finalement, New York City's Film Food Festival. pour les gens qui sont plus intéressés par une expérience autour de leur nourriture, le Film Food Festival, plus proche de nous, donc à New York City. C'est comme un festival du film normal avec des films sélectionnés, mais qui parlent de nourriture ou qui mettent en vedette de la nourriture. Et pendant que tu regardes, tu manges la même chose que les gens à l'écran. Pour vrai? C'est le fun, hein? C'est vraiment cool, ça. En plus, c'est cuisiné par les mêmes chefs que dans le film. Oh! Fantastique. Donc, les restaurants locaux sont recrutés pour recréer les plats. Et puis le public se fait servir de la nourriture telle qu'elle apparaît à l'écran. On sélectionne entre autres des drames, des documentaires alimentaires, des courts-métrages. Et le prochain va avoir lieu le 19 octobre, 19 au 22 octobre cette année. Et plusieurs autres événements dans plusieurs autres endroits. Allez voir thefoodfilmfestival.com pour en connaître plus. Ensuite, on continue dans la même thématique avec quelque chose de quand même assez simple. C'est 11 boîtes de trucs, de bonbons qu'on peut acheter. Pourquoi pas, super simple. Commençons par le fait que tu peux acheter des gummy bears en gros, gros gummy bears pour 150$. Peut-être l'as-tu déjà vu passer. C'est un gummy bear que tu peux câliner, que tu peux serrer. 26 livres en 4 saveurs, framboise bleue, pomme verte, orange et cerise rouge. L'estomac est vide, donc vous pouvez même rajouter des bonbons dans son ventre. C'est un ventre vide, le gros gummy bear. Ok. Ouais, donc c'est ça. Vous pouvez aller voir ça sur le site de VAT19. Ensuite, un gummy snake. Un gros serpent, 150$, 8 pieds de long, 26 livres, un gummy assez pour nourrir toute une famille. On dit qu'en général, c'est peut-être 450 portions par serpent. Et j'avais pas dit le prix du gummy bear tantôt, 150$ lui aussi. Ensuite, pour 20$ seulement, le Chupa Chups Lollipop, tu sais les gros suçons. Le quoi, le Chupa Chups? Chupa Chups, les gros suçons là, en sphère avec une ligne dans le milieu. Là. Oui, ben oui, ouais. Ben oui. Bref, saviez-vous que Salvador Dali est celui qui avait créé le logo de Chupa Chups? Ah, mais non, je savais pas. Donc, comme son style surréaliste, ces gros Chupa Chups ont l'air de venir de l'autre monde. 2 livres de suçons, 65 fois plus gros que les Chupa Chups normaux, oui. Avec un très gros bâton, vous allez avoir l'impression d'être un roi. Ouh! 2800 calories. Juste ça. Ouais. Ensuite, un gigantesque Peanut Butter Cup comme les Reese à 40$. Même Reese en ont vendu, à demander des gros. Ah ouais? Mais je l'ai acheté un puis j'ai jamais fini. Hey boy. C'est trop gros. Ah, mais t'aurais dû le conserver au congélateur. J'aurais dû faire ça. Ça pèse 2 livres. Hey boy! Oui. Et le site web de la compagnie Candy Warehouse dit qu'on devrait le découper en pointe et partager ça avec des amis, bien sûr. Ensuite, pour 39$, des Nerds, une grosse boîte de Nerds. Ah, ça là! C'est bon! Ça ferait mon affaire. C'est croustillant à souhait. Donc, c'est un petit peu traître ici parce que la grosse boîte de Nerds, c'est en fait composé de 36 plus petites boîtes à l'intérieur. Oh. C'est pas pareil, c'est pas aussi fort. Non. Ensuite, c'est disponible chez Bureau en gros en passant aux États-Unis du Staples. Pour vrai? Ouais. Ensuite, une grosse barre Toblerone. Entre 51$ et 107$. Ah, je sais, c'est difficile de partager une Toblerone. Surtout que c'est quand même difficile aussi de détacher les morceaux. C'est en train de se faire. Mais est-ce que tu paierais 100$ pour une barre de chocolat? Jamais de la vie, je vais en acheter plusieurs petites. Mais oui. Mais bref, vous pourriez nourrir tous vos amis avec ça. Une barre de 2,6 pieds de long, ça pèse environ 10 livres. On le voit sur la photo, c'est de la grosseur d'un chien Saint-Bernard. Chaque triangle fait environ 10 par 10 pouces, donc un repas complet. Et chaque barre contient du lait au chocolat venant des Alpes suisses. Miam, miam, miam, avec du miel et du nougat aux amandes. Ensuite, on continue avec le Hello Kitty Pez, donc un Pez dispenser avec les petits bonbons là, qui sortent de la tête. Là. Bref, les Pez dispensers, c'est cool, il y en a qui les collectionnent. Ici, c'est un grand Hello Kitty Pez dispenser de 15 pouces de haut, hein, quand vous avez vraiment besoin de sucre. Quand même. Ça pèse 1,43 livres. Hey! Ouais, et ça sort un rouleau de Pez à la place de sortir un morceau de Pez, comme les Pez dispensers habituels. Ça vient avec 6 rouleaux pour démarrer. Et vous pouvez en ajouter d'autres, c'est disponible sur Amazon. Un rouleau, comment est-ce que tu peux faire sortir un rouleau d'un Pez? Quand il est aussi gros que 15 pouces de haut. Ouais, ouais. Comme ça, ok. Ensuite, des gros carrés Rice Krispies, tu sais, les Rice Krispies Treats qu'on peut acheter en format collation habituellement. Oui. Mais s'il y en a en plus gros, à 16$. Vous pourriez vous faire vos propres, évidemment, vos propres gâteries, mais pourquoi le faire quand tu peux acheter une feuille de 32 onces de Rice Krispies Treats déjà fait? Je sais pas si je serais capable de manger ça. Ah, moi, oui, c'est clair. Hier. Hey, c'est tellement sucré du Rice Krispies. J'avais un mariage en fin de semaine. Oui. Et puis, il y avait des. Au buffet, le lendemain, il y avait un brunch. Et il y avait, tu sais, des bonbons patates, là. Ouais. Je tripe tellement ces bonbons patates. J'en ai pris comme 5 dans mon assiette. C'était à volonté, tu sais. C'était incroyable. Puis, ils ont tous dit, Mathieu. Mais non, tout le monde m'a dit, ben là, c'est pas si bon que ça, là. C'est correct. Il y a d'autres choses de mieux que ça. Ah. C'est mon préféré, bonbons patates. Ah, ben, c'est pour ça. Mais pour ça. Parce que j'aime les choses qui sont différentes. Ça, c'est parce que t'étais le seul à triper. Peut-être. J'aurais dû prendre la J'aurais dû l'emporter. T'aurais dû faire ça. Tu sais, t'oublies la sacoche. Ouais, c'est ça, exactement. Bref, pour revenir au Rice Krispies Treat, c'est disponible dans un emballage bleu là, d'aluminium, pareil comme les vrais en petit format collation. Et si tu peux partager, si tu décides de partager, ça ferait 30 à 40 morceaux de grandeur raisonnable, nous dit-on. Ensuite, les Pop Rocks. Tu connais les Pop Rocks? Mais oui, ce qui, qui... Ça éclate dans la bouche. Dans la bouche. Mm-hmm. Donc, une grosse boîte de Pop Rocks, similaire aux Nerds, par contre, à la place d'avoir un grand contenant de Pop Rocks, c'est des petits Pop Rocks dedans. Okay, 8 sacs de saveurs assorties. Et bien sûr, comme on rappelle dans l'article, tu as besoin d'une grosse bouteille de liqueur pour faire descendre ça puis pétiller bouteille ça. Bouteille d'eau, là. Bouteille d'eau. Ouais. Ensuite, les Sweet Tarts, qu'on appelle des fois des Sweet Tarts. Non, des Rockets, des fois. Mais des c'est fois, pas la même chose. Ça ressemble à ça. Des Rockets puis des Sweet Tarts. C'est petit. C'est deux choses bien distinctes. C'est quoi la différence? Ben, des Rockets, c'est emballé dans des... c'est ce que tu reçois souvent à l'Halloween. Ouais, c'est petit, ouais. Ouais, exactement. C'est pasty, ouais. Tandis que des Sweet Tarts, ça goûte pas la même chose. Ah non? Non. Ah, oh, j'étais persuadé que oui. C'est beaucoup plus surette des Sweet Tarts. Ah, ben ouais. Tart, ça veut dire surette. Mm-hmm. Bref, c'est pas juste pour ceux qui ont envie de se faire coincer les joues. Donc, vous pourriez, je sais pas, peut-être même tuer quelqu'un avec ça. C'est un tube de 24 pouces de long, rempli de 1,5 livre de Sweet Tarts emballés individuellement. Donc, vous allez avoir accès à votre collation préférée quand vous le voulez avec votre gros tube de Sweet Tarts. Ensuite, le dernier, une grosse barre de chocolat Hershey's. Oh! Pour 36$, une barre de 5 livres de chocolat qu'on peut amener, bien sûr, à un feu de camp. Il faudrait se trouver des gros biscuits Graham. Ouais. Des gigantesques guimauves. Et 5 livres. Il y a des gens qui s'entraînent avec des 5 livres. Ce serait pas pire pareil de lever une barre. Boy. Je ferais ça, moi. Ouais, ouais, ça serait ton genre d'entraînement, hein, monsieur? Un pour l'entraînement, un pour l'alimentation. Exactement. voilà, donc c'est tout pour cette liste de grosses choses qu'on peut se mettre dans la bouche. Hein, t'as... Mm-hmm. Hein? Non? C'était... louche un peu. Ouais, c'est ça. Bref, vous pouvez retrouver les liens sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1072. On prend une pause. Au retour, nouvelle chronique. Voix d'Afrique. Trigger, c'est là. Aujourd'hui. C'est fou, 89. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce lundi 27 février 2017. Tania Moller. Et Mathieu Plante. On remercie les nouveaux auditeurs qui ont commencé à nous écouter et qui trouvent ça bien drôle, les trucs qu'on mentionne cette fois. Salut, on Sam. Adore ça. Ouais. Salutations à Sam. Oui, Sam, qui va passer en studio, j'imagine, nous faire des commentaires à la place de nous envoyer ça par Facebook, puis c'était finalement un meilleur moment de 2015. Exactement. Qui avait été diffusé dans l'émission de Sam Girard, qui n'est pas notre nouvel auditeur d'ailleurs, c'est pas le même Sam. Ce serait bizarre quand même si un animateur était aussi un auditeur. Ouais. Ce serait plate un peu. Bref, avant de continuer avec notre nouveau chroniqueur sur l'Afrique, allons entendre une pièce de The Louias sur le palmarès anglophone. Voici Self-Unemployed. De Louis et la pièce Self-Unemployed à Assemblage requis. Maintenant, on reçoit un nouveau chroniqueur. C'est le fun, ça fait quand même un petit bout qu'on n'a pas eu de nouveau chroniqueur. Dominique Notte-Mavungu, salut à toi. Salut, salut Mathieu. Ça va bien? Oui, ça va bien et toi? Très heureux de t'avoir, oui. Tania, je te présente Tania. Enchanté, enchanté. Enchanté Tania. Non, on s'était pas encore rencontrés. Ça fait une demi-heure qu'on est en studio pour qu'on placote, mais on s'était pas présenté. Que voulez-vous, hein? C'est le respect! Faut se présenter. Oui. J'ai pas d'intro pour toi encore, parce que tous les chroniqueurs ont une intro, mais on n'a pas vraiment parlé, donc je suis allé dans le Kitten, mais instrumental. Écoute bien l'intro, gars, ça. Oh. Ben, c'est pas spire? Ouais, non, mais tu sais, vous allez la reconnaître, c'est clair. C'est juste un beat. J'ai pas monté, rien. Non? Ouais, OK. C'est Africa de Toto? Ouais, le... Non? Ouais. Non? Ça passe pas. Ça passe. Non, ça passe pas. T'en trouver une autre. Mais moi, je l'aime bien, cette chanson-là. J'aime ça dans le Kéten un petit peu. Donc, Dominique, on va parler de plein de choses, j'imagine. Ta collègue s'appelle Voix d'Afrique. Ouais, c'est ça, exactement. Pourquoi c'est Voix d'Afrique? Ah, ben, dans le fond, Voix pour radio. Et... Okay. À date, on suit. À date, c'est pas pire, ça part bien. Des apostrophes pour, j'imagine, deux, mais... C'est ça. Pour d'Afrique, genre... Un tour d'actualité, un tour d'horizon sur les actualités du continent, sur ce qui se passe, traiter des sujets assez variés comme au niveau du cinéma, au niveau de la musique, parler de mes coups de cœur musicaux de la semaine, ou aussi des festivals en ce moment. Là, par exemple, je sais qu'il y a le FESPACO, qui est le festival panafricain du cinéma et de la télévision, qui se tient au Burkina Faso, à Ouagadougou, depuis le samedi. Et voilà, je salue aussi tous les auditeurs et tous les Burkinabés aussi qui nous écoutent en ce moment. Et c'est un grand pays de cinéma. Oui, on sait qu'il y a une grande communauté quand même de gens d'origine africaine à l'UQTR. Oui, oui, exactement. Donc, qu'ils savent de quoi on parle, mais qu'ils peuvent aller faire des recherches pour regarder peut-être des extraits de ces films-là, par exemple. Oui, exactement, ils pourraient le faire aussi. Et aussi de sport. Ben là, le dernier grand événement sportif, c'était la Coupe d'Afrique des Nations. OK. Ouais, qui s'est soldé par une victoire du Cameroun. C'est le Cameroun qui a remporté le trophée. Bon, les autres nationalités n'étaient pas très contentes. On peut pas tous gagner. On va le voir tantôt dans le bloc sportif local de Tania. Exactement. On peut pas tout le temps gagner. Eh bien non, malheureusement. On peut tout le temps en perdre, par contre. Par contre. Ça arrive. Je sais pas, il y a des équipes meilleures que d'autres. Ah, c'est sûr. Est-ce que tu as une équipe préférée? Le sport préféré pour commencer. Un sport préféré, le soccer, je dirais. Pas mal partout dans le monde. Je m'en doutais. Il y a juste ici qu'il n'y a pas de soccer, que les gens ne trouvent pas soccer. Ça te parle toi, tu n'écoutes pas. Non, mais en gros, les codes d'écoute du soccer sont pas les mêmes que le hockey au Québec. C'est malheureux parce que tout le monde aime le soccer. Ouais. On est à part du reste du monde. Ouais, pas mal, surtout avec le hockey, ouais. C'est ça. Donc, toi, on va parler de toi un petit peu, Dominique. T'es étudiant à l'UQTR depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Là, c'est ma dernière année. Normalement. Donc, on prend encore sur la fin. On prend tout le temps le chroniqueur sur la fin. On l'a pas. Parce qu'il réalise tout le temps qu'il y a une radio à la fin. C'est le sort qu'on nous a jeté au début, je pense. Exact. On va profiter de toi pendant que t'es là. Ah, c'est ça, il n'y a pas de problème. T'étudies en quoi? Étudiant en management et entrepreneuriat. Et dans le fond, c'est pas mal ça. J'entreprends aussi et je fais des choses aussi extérieures aussi à l'université. OK. Donc, on va te trouver chaque 2 semaines. Donc, est-ce qu'on peut entrer dans des sujets que tu nous apportes aujourd'hui? Ah, c'est ça. Ben, dans le fond, aujourd'hui, j'avais déjà commencé par beaucoup le cinéma parce que c'est ça qui fait l'actualité en ce moment. Mm-hmm. Et encore au Burkina Faso, je vous ai dit que là, ils sont vraiment incontournables au niveau du cinéma. C'est vrai que ça se passe. Tout se passe. Ouais, là, c'est là. Bon, enfin, ben là, maintenant, plus trop, mais en Afrique francophone, je dirais. OK. Parce que, mettons, anglophone, il y a le Nigeria qui est vraiment un gros producteur aussi de films et tout. Ils ont même... Nollywood, on appelle Nollywood là-bas. Ok, chacun. Bollywood. Ouais, c'est ça. C'est le troisième coin où on produit le plus de films au monde. Ok. Et ils ont une grosse industrie cinématographique. Maintenant, au niveau francophone, c'est beaucoup le Burkina en ce moment qui défraie la chronique encore avec un nouvel événement, le marché international du cinéma et de la télévision africaine de Ouagadougou. Okay. Donc, en fait, là, elle réunit en fait une quarantaine d'exposants, c'est des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Qui viennent acheter aussi des films, les nouvelles réalisations, de l'équipement pour les salles de cinéma et tout. Et ça réunit vraiment, ça se passe là, mais toute l'Afrique se rend là pour acheter les équipements, pour les séries aussi. Des gens viennent aussi jusqu'à l'Europe. Des chaînes de télévision d'Europe viennent là pour... Est-ce que ça achète un peu les séries, hein? Ben là, à date, je sais pas trop. Je veux dire, depuis que je suis ici, je regarde plus trop la télé aussi, ouais. faut dire ça. Donc, mais je pense que ça achète beaucoup de séries en ce moment. Parce que il me semble que j'avais entendu dire que dans le continent, ça s'achète, ça se vendait. Ouais, c'est ça. On regardait ceux des autres pays proches, mais on n'exporte pas ailleurs que dans le continent. Ah ouais, c'est ça. Mais je pense que là, maintenant, avec Internet, on n'a plus trop besoin de passer par la télé. Je pense que tout le monde regarde directement sur Internet et tout. Donc, Netflix. Est-ce que vous avez l'équivalent d'un africain, genre Netflix? Oh boy. C'est ça notre émission. Ça ressemble à ça. Malaise. Netflix. Non, il n'y a pas encore de Netflix. Ça viendra. Ça viendra. Je vais le créer, je crois. C'est ça. Ils veulent faire. Un entrepreneur en herbe ici. C'est ça, je vais le faire. Je vais faire le Netflix. Non, maintenant aussi, après, au niveau de la musique aussi, bon, il n'y a pas assez d'actualité au niveau de la musique ces derniers temps. Je pense que là, aussi votre continent aussi, c'est encore le Nigeria aussi qui domine vraiment l'actualité musicale là-bas. Je pense qu'ils ont la plus grosse industrie aussi de musique en ce moment. Donc, l'Afrique francophone essaie de rivaliser, mais ouais, c'est fou comme les clips se ressemblent pas. T'as l'impression que les gars, ils sont trop hostés. Trop quoi? Trop hostés et tout. Non, franchement, je pense qu'ils sont aussi en avance par rapport à la plupart des pays anglophones. Mais il y a un peu de musique aussi au niveau francophone, mais peut-être faut relever le niveau aussi, je pense. Ouais. Et le niveau des clips, tout ça, mais sinon, l'ensemble, c'est pas mal. Est-ce que surtout, c'est tout le temps plus difficile en français, hein, même ici ou même en Europe. Là. Le niveau vidéoclip, là. C'est sûr que... Ça tire de l'arrière. C'est ça, exactement. Est-ce que tu sais s'il y a des quotas francophones en Afrique? Dans les pays francophones, parce qu'ici au Québec, c'est 65% de francophones, donc les choses francophones n'ont pas le choix de jouer, mais c'est pas parce que ça joue que c'est bon. Ouais. Ah, c'est ça. C'est difficile des fois. Probablement. Sûrement. Bon, si on a au Canada pour des Canadiens, on doit en avoir un petit peu partout. Exact, à la radio. Si on veut que ça fonctionne. Comment se passent les radios dans ton coin? Est-ce qu'il y a beaucoup de radios commerciales? Est-ce que les radios sont... est-ce qu'il y en a des indépendantes comme nous? C'est beaucoup dans le privé. Mm-hmm. C'est beaucoup dans le privé. Mais il y a quand même beaucoup de stations radio, mais je dirais pas autant qu'ici. Mais il y en a, mais c'est vraiment peut-être des plus grosses quand même, pas des indépendantes. Mais c'est aussi, il y en a peut-être, comment t'expliquer, il y a des petits, des mini-radios que personne n'écoute, genre. C'est des extrêmes. C'est ça. Puis énorme. Et il y a peut-être deux ou trois que tout le monde se rue dessus. Mettons, je vais te donner un exemple. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a peut-être Nostalgie, qui est peut-être la plus grosse radio de là-bas. Et ça, c'est ce que vraiment tout le monde écoute les matins. Ça, c'est le petit rouge FM, c'est musique de fond de bureau, là, tu sais, ouais. C'est ce que t'écoutes tout le temps, et après, il y a les autres que tu tombes dessus par hasard, là. Ah ouais. C'est comme, je savais pas qu'il y avait ça. Et tu découvres des choses plus que sur l'autre. Ouais, c'est ça, mais après... Hein. Est-ce que vos radios sont plus parlées ou musicales? Ouais, c'est beaucoup musical. C'est beaucoup musical. Tu sais, les Africains, c'est ça, c'est... Ouf. Ça bouge. Donc, 3 minutes de... On parle un peu. Après, on embarque sur une musique. Ça coupe la musique au milieu. J'ai quoi vous dire. C'est ça. Après, on repart. J'ai entendu, et là, tu me corrigeras là, si j'ai tort. J'ai déjà entendu dire par quelqu'un que la radio, des fois, en Afrique, c'était... Les émissions commençaient pas nécessairement à l'heure. Est-ce que c'est chill, genre, tu sais, l'émission commence quand ça y tente? Non, il y a des horaires, il y a des horaires. Une chance. Non, il y a des horaires, Donc, on a parlé de musique, on a parlé du fait que les vidéoclips étaient plutôt moyens. Moyen. Le style musical, en gros, c'est pas mal de la nostalgie, du pop, du... Après, je veux te dire, bon, je dirais peut-être du coupé-décalé. Je sais pas si je peux te faire un extrait, je t'en mettrai un. Si t'en as un qui est facile à trouver, oui. Je sais pas si tu peux mettre, DJ Arafat. On va écouter ça. DJ à... Arafat. A-R-A-F-A-T? Ouais. OK, on va écouter un extrait de ça. On va écouter DJ. Est-ce que tu veux la pièce tapis vélo? Ah ouais, c'est ça. Tapis vélo, on écoute ça. Tapis vélo, on va écouter ça. On écoute ça, puis on sort par la paix. Influamène-toi, fais du son. Maman Avatar a joué la guitare. Chef de Paris, allez vous cacher les artistes. Yada Douaou. Avec ton tapis vélo, tu t'en vas conduire en arrêté déjanté. dit que je vaux rien, maintenant tu danses. Ta basket est margée de trafic, c'est pourquoi ça sent. Tu passes tout ton temps à voler, mais bon, est-ce que c'est pour de l'essence? DJ Rafat et tapis vélo. On adore ça. Hey, ça met du soleil dans le jour. Oui, c'est bon, c'est le fun. Donc, tu étais en train de nous dire que c'était un artiste très réputé en ce moment, mais qui était aussi controversé. Ouais, c'est ça, en Côte d'Ivoire. Beaucoup, on parle beaucoup de lui au niveau de la musique, mais surtout en dehors. Beaucoup en dehors. C'est ça. Pourquoi? Ah, pour ses réflexions. Hein, je pense que tu pourrais regarder ses vidéos sur Facebook. Tu vas voir ses réflexions. Je pense que c'est... C'est assez... Quand je dis les Ivoiriens, tu vois, c'est un peuple assez... Tu sais, qui parle beaucoup quand même. Ouais. Tu vois, donc... Leurs opinions... C'est ça, il y a tout le temps le buzz avec eux. Tout le temps le buzz. Chaque semaine, il y a tout le temps un nouveau phénomène, quoi. Wow. Je regardais sa couverture de CD, j'imagine. En tout cas, de couverture de single où il reçoit... C'est comme des balles de fusil de loin qui viennent en genre de comment dire, de slow motion. Est-ce que c'est un gangsta pas mal? Pas mal. Ouais. Mais c'est aussi plus sérieusement, c'est aussi un bon artiste, quoi. L'un des plus grands. Musicalement, il a reçu beaucoup de distinctions et tout. Salut DJ Arafat aussi. Ouais. C'est ça. Arafat, A-R-A-F-A-T. Donc, on est avec Dominique, notre Mabougou. C'est la chronique Voix l'Afrique qui se continue comme ça ici à Assemblage Requis. Quel autre sujet nous as-tu amené aujourd'hui? Ah, je vais parler un peu de cuisine aussi. Oh, là, tu nous titilles. Ouais, c'est ça. Tu titilles l'estomac à Mathieu. Il sait comment nous convaincre de le réinviter. Ah, c'est ça. Donc, peut-être le plat dont on pouvait parler, c'est un plat, un plein de mes plats préférés, un plat sénégalais. C'est du tchèp, ça s'appelle du tchèp. Du tchèp, tchèboudienne. Ok, tchèboudienne. C'est ça, tu peux regarder si tu vois. C'est un plat sénégalais, c'est mettons du riz avec déjà du poisson, du poulet et de la tomate, vraiment beaucoup de légumes. Mais je t'assure, c'est très très consistant là. Ça, tu sais, tu manges ça et je pense que tu manges plus encore de la journée, quoi. Non, Mathieu, c'est ça que ça te prend. C'est ça. On va suggérer ça à la chasse galerie prochain plat. Comme prochain plat du tchèp, je pense que ça. Et après, comme dessert, je dirais peut-être, je vais faire un petit menu là. Moi, peut-être, je vais me prenais peut-être du bissap aussi. C'est, je sais pas comment, c'est peut-être des feuilles, ça, assez sucré. Et ça goûte vraiment bon. Là, je pense que je vais ramener ça peut-être lundi. La prochaine chronique, je ramène ça. Pour vrai, là. Pour vrai, là. C'est ça, puis on te prend en mot, là. Mathieu, halt. Il a hâte de goûter ça, mettons. Et je pense que. Après, en dessert aussi, je prendrais peut-être des beignets, quoi. Comment ça. C'est en Côte d'Ivoire, ça s'appelle des gnomis. C'est genre des gros beignets, genre avec du sucre. Et on met aussi de la viande dedans. De la viande? Ça me dit quelque chose, ça. Est-ce que t'as dit de la viande? Oui, ouais, bien ce que dit. Dans le beignet. Ouais. Mais c'est pas un beignet de dessert. Non, c'est pas un beignet repas. C'est ça, un beignet repas. Genre, mais je t'assure que ça aussi, c'est vraiment, vraiment bon, là. Et... Ça a l'air à ça. Il y a l'air d'un gars qui a pas déjeuné, en c'est tout cas. Ça, c'est ça, comme c'est ça. C'est parfait pour l'homme. Il y a beaucoup de petites épiceries internationales dans le coin de l'UQTR. Est-ce que c'est des choses qu'on peut se procurer? Est-ce qu'on peut se procurer les ingrédients pour le faire? Ouais, c'est sûr, même à l'épicerie, là. Il y en a comme... 4 douzaines. Ouais, c'est, ouais, ça, c'est, ouais ça. C'est ça, donc c'est sûr que... Je pointais pas du bon bord, mais à la radio, ouais. Non, t'étais du bon bord, Ah, par là, ok. Les deux sont pas sûrs. Sachez, chers auditeurs, c'est par là-bas. Ouais, exactement. C'est par là-bas. Bref, il y en a qui ouvrent, il y en a qui ferment, mais il y en a tout le temps 2-3 dans le même coin. Ouais, 2-3 dans le même coin. Donc c'est ça, c'est sûr que les Africains, ils veulent proche de leur repas, quoi. Ouais, c'est ça, il faut être proche de ses études, des repas et d'un salon de coiffeur. Exact. C'est pas ce qu'il faut, je pense. C'est ça. Il faut avoir le salon de coiffeur proche. Ah, il faut le salon de coiffure, c'est sûr, sûr, sûr. C'est l'entretien. C'est On a parlé dans la chronique de Justine Renaud la semaine passée sur l'entretien des cheveux afro-américains. Ok, oui. C'est fascinant, quand même. Oui, vraiment. Oh. Bref. Donc, nourriture, est-ce qu'il y a beaucoup de chefs? Est-ce qu'on pourrait suivre des chefs africains? Des chefs, je ne connais pas personnellement. Mais t'es pas le plus grand fan d'émissions de cuisine ou de non non j'avoue je pouvais juste les plats déjà faits ouais. Mais non, lui il aime ce qui est simple. on se comprend je pense ouais, c'est ça donc mettons après des chefs là j'ai pas vraiment j'en connais pas beaucoup mais je connais des personnes qui écrivent pas assez bien même ici à l'UQTR je connais des filles qui font des repas et tout qui font même des événements je pense hein. Je sais pas si t'as oui les cinq là-bas. Continents il y a ça à un moment donné où il y a plusieurs oui. Ouais c'est ça où il y a aussi une la balade culinaire ouais. Ça ouais c'était mais ça c'était organisé par une étudiante ivoirienne et elle faisait déguster des plats de son pays comme c'est la loco je prends un exemple la loco c'est des bananes coupées en dés okay. Des bananes plantain frites. Et elles sont vraiment bonnes aussi. Niam, c'est sûr aussi, c'est sûr. Mathieu a l'air d'un gars qui est triste de ne pas avoir su cet événement-là. C'est ça, date. Faut que je mette ça à mon agenda l'année prochaine. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Ensuite, après la cuisine, on va où? Ensuite, après la cuisine, peut-être parler de, je pense, de peut-être politique, je pense. Oh, c'est le temps de parler d'actualité. Oui, qu'est-ce qui se passe en politique? C'est ça, je pense. Hier, il y avait le président du Zimbabwe qui a 93 ans. Oh. Il fêtait ses 93 ans samedi, je crois. Okay. Une grosse fête. Bon, assez critiqué par les médias et tout, du fait de la situation de son pays. Okay. Mais bon, c'est 93 ans. Il s'est quand même accroché longtemps c'est à la ça. Vie. C'est ça. Ça mérite une petite fête. Là. C'est ça mérite une petite fête, là. Et c'est sûr qu'après, je pense... Une bonne 40 ans de pouvoir, je crois. Là, il wow. 40 ans de il n'y a pas de limite pouvoir. Sur les termes, je pense. Non, je pense que non. Je pense que non. On va espérer que Trump ne s'en inspire. Oui, c'est ça, exactement. Ça, je peux vous ramener à Trump dans la vie. Hein. Non, faut pas. Non, c'est ça. Faut surtout pas faire ça. Est-ce qu'il y a une opinion sur la politique américaine, pas mal en Afrique? Les caricaturistes, c'est ça? Ah, c'est... Ben, il y en a assez. Mais je veux dire... C'est beaucoup de... Trump, il est beaucoup ri là-bas, tu sais, ouais, genre, ouais. Les gens... Comme il... le reste du monde. C'est ça, comme si aussi. Il y a juste chez lui qui s'est bien apprécié. C'est encore drôle. Il est aimé, je pense qu'on n'a pas peut-être cherché des quelques caricatures de Trump, mais je pense que les Africains sont plus concentrés sur eux-mêmes, leur politique. Ouais. Je pense qu'ils ont déjà assez à faire avec des dirigeants ouais. qui ont... Côté, tu disais que les gens n'étaient pas nécessairement fans de sa politique. Quel genre de politicien est-ce que c'est? Est-ce que c'est un tyran? Un tyran? Après, moi, j'ai jamais allé au Zimbabwe, tu vois, mais je me dis, pour faire 40 ans, faut peut-être être un peu tyran quand même. Probablement. Les gens de voter à 100% c'est ça, pour lui. C'est ça. Ouais. Bon, après, il y a les élections, on connaît déjà le résultat un peu à l'avance, tu sais. Mais tu y vas quand même parce que c'est ton devoir. Ben, c'est citoyen. Ça, parce que c'est ton devoir des citoyens et c'est ça. Mais les gagnants sont déjà connus d'avance. Là. Donc, après 40 ans, bon anniversaire à lui, s'il nous écoute. Ouais, c'est ça. Sa carrière va se terminer avec sa vie. Ah, hein, l'année c'est... prochaine, 94 ans. Non, il peut continuer longtemps à ce rythme-là. Ah, c'est sûr. Il veut continuer jusqu'à ses 100 ans. Ouais. Donc, il va prendre sa retraite à 100 ans. C'est, ouais, c'est ce qu'il a dit. Ben, okay. Espérons qu'il y ouais, arrive déjà. C'est ça qui se rend. Est-ce qu'il y a des fils pour prendre le relais après, pour faire un autre 40 ans? Bon, on parlait de sa femme. On parlait de sa femme qui a 51 ans. Ah, oh, ok. Il les aime jeunes, mais... Hein? Il les aime jeunes. Mais écoute... 51 ans. La moitié, qu'est-ce que... Quand tu y penses, wow. Félicitations. Donc, on parlait... Peut-être... Elle est pressentie pour peut-être reprendre... le poste de président. Mais avec après, ses mêmes opinions, j'imagine. Ça dépend. ça dépend. Mais après, je te dis, des passations comme ça, c'est assez commun, quoi. C'est assez courant en Afrique, dans plusieurs pays, au Gabon, comme ça. Ouais. C'est, y avait le père qui a fait, je pense, une trentaine d'années, remplacé par le fils. Là, ça fait au moins 10 ans que le fils est là. On est parti pour au moins 30 années après le petit-fils qui va venir. Wow. C'est le système royal. Ouais, c'est ça, je pense. C'est ça, c'est la monarchie. Je pense que c'est ça, quoi. Pas mal, ça. Ouais, faudrait plus qu'on adopte la monarchie, clairement. C'est pas un roi en tant que tel, c'est le président, quand même. Ouais, c'est ça. Mais ça ressemble à un roi. Ouais, c'est ça. Bah, après, parce qu'on a enlevé les mandats limités. Donc, okay. C'est ça. Ouais, donc, ils peuvent continuer tant qu'ils ouais, sont c'est ça. Libres. Ouais, c'est ça. Tant qu'ils sont libres, donc c'est ça aussi. Donc, ça dépend. Ça a du bon et du mauvais. Ça. Quand c'est la bonne ouais. personne, ça peut durer et c'est le fun, mais si c'est la mauvaise personne, tu es avec il pas y a cette heure qui va. Pas mal. Mais après, j'avais aussi une petite question que je vais poser à nos auditeurs okay. aussi. Que j'aimerais savoir, qu'est-ce que les auditeurs pensent réellement de l'Afrique c'est, parce que pour est-ce qu'ils. Combien d'auditeurs on savent. Est-ce qu'ils connaissent même le nombre d'États qu'il y a en Afrique et tout, le nombre de pays? Je ne penserais pas, non. C'est non, ça, moi, que... moi, pour ma propre personne, je vais te répondre non. Non? OK, mais... Non. Côté géographie, là, j'ai jamais vraiment été bonne. Mais c'est grand. Oui, c'est ça, c'est très grand. C'est plein de petites affaires. Tu sais, c'est des petits pays, c'est des petits endroits. Ah, des petits, il y en a quand même des assez gros, ouais. des assez gros pays. Mais ouais, après, comparé, si on prend un pays au Canada, ouais, ça, j'avoue que... Ouais. Comme le Canada qui est super grand, mais aussi peu habité, quoi. Ah, puis on connaît pas ce qui se passe au territoire du Nord-Ouest puis au Yukon. On sait pas plus. Tu sais, quand ils disent que les gens qui viennent tous du même petit coin, là, ils se connaissent tous ici, c'est vraiment pas vrai. Non, vraiment pas. Mais c'est toujours le fun à l'UQTR, voir, tu sais, quand tu dis genre. Est-ce que tu demandes à quelqu'un qui est noir, est-ce que tu connais telle personne qui est noire en pensant oui. qu'ils connaissent tout le monde? Exact. Mais effectivement, la plupart du temps, ils se connaissent. Parce qu'ils étudient ensemble. C'est vrai. Ben, c'est vrai. Ben, on est à l'UQTR. Ben, c'est ça. C'est pas comme si tu demandais à quelqu'un par rapport à. C'est ça. Tu sais, faut relativiser des fois. Tes questions sont stupides, des fois, tes questions, mais sont pas toujours. Est-ce que vous êtes serré, justement, lorsque vous arrivez à l'UQTR comme ça? Ouais. Est-ce qu'on est? Est-ce que vous vous tenez pas mal tous ensemble lorsque vous arrivez à l'UQTR? Ah ouais, c'est ça, c'est sûr. Ouais. On se balade tout ensemble. Et on est dans le même cercle d'amis, mais c'est vrai qu'on se connaît tous en plus. Hein. C'est ça. En plus, ils se connaissent vraiment tous. Bon, hein? Les stéréotypes. Mais c'est pas grave, maintenant, on te connaît nous aussi, puis on est bien content de t'avoir à l'émission. Ah, moi aussi. On va parler de tout plein de sujets à chaque semaine. Est-ce que t'avais terminé? Excuse-moi, je t'ai pas demandé si t'avais terminé. Ça finissait par la question, je pense. Hein, ouais, ça finissait par cette question-là aujourd'hui. Que vous pensez vraiment de l'Afrique? Qu'est-ce que vous pensez vraiment? Sans vous retenir. C'est ça, sans vous retenir. Que savez-vous réellement? Ça pourrait faire mal. Non, tout. Alors, donc, on recherche vos opinions sur la page d'Assemblage Requis. On va poster ça tantôt avec l'aide de Tania. Donc, Dominique, on va te retrouver chaque deux semaines. Tous les lundis, donc aux deux semaines, à 8h pour notre collègue Voix d'Afrique. Peut-être avec du Toto Africa en arrière. Peut-être pas, on verra. Donc Dominique, notre Mavungu, merci énormément. OK, merci à vous. Très bon début. Oh oui, excellent. On est fiers. Je suis fier. On écoute un petit peu de Toto encore parce que mais j'aime oui. ça. Mais instrumental parce que il y a toujours bien des limites. Vous êtes à l'Assemblage Requis sur C'est fou. assemblage équipe pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui. Février 2017, Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dans quelques minutes, ce sera C'est un fait tout à l'heure vers les 9h. Mais avant ça, Tania Esgolin. Non, pas Tania Esgolin, Tania, je m'excuse, c'est Sport et Filoché aujourd'hui. Exactement. Avant ça, par contre, une pièce que ça fait un petit bout qu'on n'a pas entendue, qu'on aimait bien il y a quelques semaines de ça, c'est Adieu au Dance Floor. Voici Nye Davidson. Thank you. Davidson et Adieu Dance Floor dans l'assemblage requis. Et maintenant, Adieu Dance Spar. Non! Voici Spar effiloché. Passé dans le monde du sport en Mauricie durant la fin de semaine ou du moins durant la dernière semaine. Pour certains, c'est très décevant. Ouais. Pour d'autres, ça reste quand même quasi prestations ou okay. du moins performances, disons-le comme ça. On va commencer tout ça avec les Patriotes de l'UQTR. Donc, du côté du cheerleading, on avait une compétition ici même à Trois-Rivières. On a eu une excellente première prestation. Par contre, la deuxième a connu quelques erreurs qui ont fait en sorte qu'on n'a peut-être pas été au meilleur de notre forme. Et les Patriotes ont dû se contenter, en fait, du troisième rang de cette compétition-là. Mais ils sont maintenant déterminés à foncer pour le championnat provincial qui va se dérouler le 19 mars. Donc, la compétition comptait pour beaucoup de points et ça pourrait bien déterminer le gagnant de la saison pour le prochain championnat. Donc, il faut vraiment foncer, il faut vraiment se donner du mieux qu'on peut du côté de l'équipe des cheerleaders. Et bien, ça se passait du côté du centre sportif Alphonse Desjardins, si je me souviens bien. Et la coach même de l'équipe, Pamela Caron, disait que justement, il voulait se remonter les manches après cette prestation-là qui, justement, pas tourné comme on voulait. Il y a eu des erreurs qui étaient peut-être un petit peu bêtes, peut-être un petit peu moins bêtes, côté tempo et tout ça. Donc, ça serait une des raisons pour lesquelles ça s'est moins bien passé durant la deuxième prestation. Mais on est sûr et certain que les Childers vont travailler extrêmement fort parce que ce sont eux qui avaient remporté le championnat l'année dernière. Donc, on veut vraiment y aller encore une fois pour remettre la main sur cette fameuse première position-là. Du côté du hockey, bien mercredi soir, les Patriotes de l'UQTR ont joué sur la route à Montréal contre McGill. On a vécu la première défaite 3-1 contre les Redmen de McGill, qui était la deuxième série. Donc, on tombait comme en demi-finale, j'ai le goût de dire, pour les séries éliminatoires du côté de la Ligue d'hockey pour les Patriotes. Et samedi après-midi, eh bien, c'était ici à Trois-Rivières. On remettait ça, c'était le match quasi ultime. Cette année, c'était... C'était une formule qui était différente des autres années. En temps normal, on voit des 3 de 5. Là, c'est des 2 de 3. Donc, ça va beaucoup plus rapidement dans les éliminations et tout ça. C'est un petit peu ce qui s'est passé du côté des Patriotes cette fin de semaine. Malheureusement, les Redmen ont été extrêmement rapide à mettre des points dans le fond du filet, en fait, et à mettre des points au compteur. Donc, dès les premières minutes, c'est devenu 2-0 pour McGill. Et par la suite, Marc-Olivier Mimard a été le seul marqueur du match pour les Patriotes. Si vous calculez bien, ça fait 2-1, ce qui fait en sorte que les Patriotes de l'UQTR sont maintenant éliminés des séries éliminatoires. C'est comme une première où on se rend pas jusqu'à la finale, où la plupart du temps, soit on va remporter la finale ou on va terminer deuxième au championnat. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. Mais formule, comme on le disait, comme je le disais, un petit peu différente cette année. C'est extrêmement rapide. Il faut être sûr qu'on est capable de se revirer assez rapidement d'une situation comme, par exemple, la défaite de mercredi et pour la suite jouer samedi et avoir une bonne victoire. C'est un petit peu plus difficile. Malheureusement, ça s'est pas fait, mais tout de même, on va souhaiter la meilleure des chances pendant la saison morte, disons-le comme ça, là, entre guillemets, aux Patriotes de l'UQTR pour qu'on puisse se remodeler, faire en sorte qu'on va revenir extrêmement fort l'année prochaine. Voilà. Est-ce que ça va avoir des répercussions sur les chefs de l'équipe? Est-ce que quelqu'un va perdre sa job à cause de ça, non? Pas nécessairement. On sait qu'on avait des joueurs qui étaient sur la route en fin de saison. Est-ce que les joueurs sont revenus extrêmement fatigués? C'est des choses qu'on ne sait pas encore. J'imagine que les entraîneurs vont se faire un plaisir de nous faire quelques points là-dessus dans les prochains jours. Mais malheureusement, une défaite, ça se ramasse en équipe du côté du hockey. Donc, c'est simplement de voir qu'est-ce qui s'est passé avec ça. On s'entend aussi qu'on avait peut-être pas nécessairement la saison qu'on espérait du côté des Patriotes depuis le début de la saison. On avait beaucoup de changements depuis l'année dernière, des joueurs qu'on avait perdus, des nouveaux joueurs qui étaient arrivés, beaucoup de blessés. Donc, de ce côté-là, on n'essaie pas de trouver des excuses à rien, mais malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. On peut pas toujours gagner et c'est ce qui est arrivé du côté des Patriotes de l'UQTR cette année. Dommage. Voilà. Du côté du soccer, eh bien, très belle prestation des deux équipes, que ce soit féminine ou masculine. Ça jouait contre le Varéor de Sherbrooke cette fin de semaine et une fin de match contre le Varéor du côté féminin qui s'est quand même très bien terminé. Ça a été un match nul, 3-3. Par contre, on a très vite fait de mettre des points au compteur du côté des Patriotes de l'UQTR. Il faut rappeler que Saint-Jean et Valérie Noël ont été les deux buteuses du match. Un très gros match qu'elles ont joué apparemment. J'étais pas là malheureusement, là, ça se jouait sur la route, mais apparemment que c'était un excellent match. Les filles ont fait preuve beaucoup d'esprit d'équipe. Ça a une belle communication sur le terrain. Et c'est le deuxième match justement en deux semaines où que ça se passe très bien du côté de l'équipe féminine. Ce qu'on disait justement en début de saison intérieure, que ça allait peut-être pas super bien parce qu'on avait de nouvelles joueuses. C'est sûr que lorsqu'on joue intérieur, c'est pas comme jouer extérieur. Mais là, on sent que justement, ça se passe bien. On espère avoir une bonne fin de saison du côté de l'équipe féminine. Et du côté masculine, ou masculin en fait, victoire... Juste wow! En fait, les gars ont réussi à voler le match 7-0 contre le Varéor de Sherbrooke. Donc, Taïf, Wallet, Faye, Moncaliano, Hernandez, Lavallée et Bouchard qui, lui, a scoré deux fois. Ce sont tous les buteurs du match. Si on calcule ça comme ça, ça fait beaucoup de gars avec manipulation du ballon. Des gars qu'on n'a pas nécessairement tout le temps entendu parler durant la dernière saison ou le début de la saison intérieure. Parce que justement, on est à 16 nouveaux joueurs du côté de l'équipe de soccer. Donc, on voit que justement, les gars commencent à peut-être vouloir démontrer certaines choses sur le terrain. Et c'est excellent, on adore ça. Une belle victoire qui se prend bien. On espère que leur saison à eux aussi vont bien se terminer du côté intérieur. Il reste quelques matchs, donc si jamais ça vous intéresse, il faut toujours bien évidemment suivre les Patriotes de l'UQTR sur Facebook parce que la plupart des informations se déroulent là. Ouais. Si je peux me permettre un gag en anglais... Oui, vas-y. Que faire des buts pour ces gars-là, c'est leur bread and butter. Butter. C'était si bien merci, dit, merci. Mathieu. Du côté du sport trifluvien, sport mauricien, si on commençait avec le Blizzard de Trois-Rivières, eh bien, malheureusement, le Blizzard ne sera pas des séries éliminatoires. Vous vous rappelez, on disait qu'il manquait... que quelques points pour pouvoir mettre la main sur cette, ces fameuses séries éliminatoires-là. Ça a pas marché. C'est maintenant confirmé. Malheureusement, le Blizzard de Trois-Rivières ne va pas être des séries éliminatoires de la Ligue nord-américaine de hockey. La troupe de l'entraîneur Sébastien Vouligny a laissé filer une avance de 2-0 pour s'incliner 3-2 contre les champions de la saison régulière qui sont les Marquis de Jonquière. Devant 1567 amateurs samedi soir à Jonquière. Donc, Alexandre Courtois, William Lacasse ont procuré eux-mêmes les devants 2-0 au match et surtout à leur équipe. Mais, ça a pas viré de même finalement en fin de match. On aurait peut-être baissé les bras un petit peu ou on se serait peut-être assis sur, sur notre avance justement. Et le gardien Marc-Antoine Gélina a rien à se reprocher dans cette défaite-là. Apparemment, il a reçu un total de 39 lancés dans la rencontre contre 32 pour celui de Jonquière. Donc pour revenir à l'élimination du Blizzard des séries de fin de saison, il est important de mentionner quand même que il reste quelques matchs et les Prédateurs de Laval prendraient le sixième rang si les deux équipes terminent la saison avec le même nombre de points. Donc, le premier facteur de départage est le nombre de victoires des Lavallois. Ça l'a joué sur la décision et le Blizzard gagnait tous ses matchs d'ici la fin de la saison. Il y aurait 14 victoires. Donc, c'est comme impossible, en fait, pour le Blizzard de Trois-Rivières d'ici la fin de la saison de pouvoir mettre la main justement sur ces fameuses séries éliminatoires-là. Et les joueurs et entraîneurs du Blizzard, bien évidemment, vont être quand même des parties qui restent à jouer parce qu'il reste deux matchs à disputer. Une cette fin de semaine sur la route et aussi une ici à Trois-Rivières du côté du Colisée qui va être dimanche. Donc, peut-être que ça va être un petit peu crève-cœur de jouer ces deux derniers matchs-là. Mais malheureusement, lorsqu'on laisse filer une avance comme celle-là, qui joue quand même une grande importance dans ce que va être le reste de notre équipe ou de notre saison un petit peu. C'est assez difficile de demander à certaines personnes de pouvoir venir nous encourager dans ce temps-là, ouais. Mais on souhaite quand même qu'il y ait des gens du côté du Colisée de Trois-Rivières, rappelons-le. Absolument. Du côté de ton équipe favorite, Mathieu. Est-ce que c'est positif ou négatif? Négatif. Négatif, donc est-ce qu'on peut les appeler les déceptions cette année? Oui, tu peux. Du côté du climatisation Cloutier. Malheureusement, on s'est incliné 3-2, donc on est éliminé des séries éliminatoires pour le climatisation Cloutier. On a été éliminé en 5 rencontres contre les Loups de la Tuque. Ah oui. Une équipe qui était extrêmement forte, on se rappelle, durant la saison. On s'est quand même échangé à quelques reprises la première position de la série. Donc, de ce côté-là, c'était quand même deux équipes qui s'affrontaient du même niveau. C'était du beau hockey, mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et le hockey senior a fait quand même parler dans les médias cette fin de semaine parce qu'il y avait une rivalité quand même entre la climatisation Cloutier du Cap de la Madeleine et les Loups de la Tuque. Mais là, cette fin de semaine, ça a pris une tournure qui était quand même inattendue et assez regrettable, disons-le comme ça. Ça s'est passé samedi soir à l'aréna Jean-Guy Talbot. Donc, dans les secondes suivant l'élimination, donc à la fin du match, il y a un des défenseurs du climatisation Cloutier qui a sauté par-dessus le banc des visiteurs pour justement aller donner quelques coups de poing aux entraîneurs des Loups de la Tuque. La scène est survenue alors que les joueurs des Loups commençaient justement à célébrer leur victoire derrière le banc. On se disait justement aussi qu'on venait de gagner les quarts de finale de la Ligue de hockey senior A de la Mauricie, qui est une ligue qui gagne en popularité de plus en plus. Et la Charité, qui est le joueur en question, a alors traversé la patinoire pour régler ses comptes avec les entraîneurs, avec Gauthier, Marchand, qui sont aussi les gouverneurs de l'équipe de la Tuque. Et ces derniers ont rapidement répliqué à l'assaut du hockeyeur, tandis que sur la surface de jeu, il y a des combats qui ont éclaté. C'est une scène que les partisans des deux clubs connaissent bien. Ça se bat quand même assez souvent dans la Ligue de hockey senior A de la Mauricie. Mais là, de s'en prendre à deux entraîneurs, c'est quelque chose qui est quand même assez différent. Ouais. C'est une scène que pendant toute la saison, il y a deux grands ennemis qui ont eu maille à partir et les séries éliminatoires n'ont pas fait exception à la règle. Donc, quand une rivalité devient aussi grande, c'est peut-être que c'est pas une super bonne rivalité. Là. L'entraîneur des Loups peinait à comprendre justement les agissements, qu'est-ce qui se passait, il savait pas trop. Il dit « J'ai joué trois ans dans le junior majeur, plus de cinq saisons dans la Ligue nord-américaine de hockey et trois autres années dans le Junior 3A. J'ai évolué dans la Ligue senior de la Gaspésie, probablement une des plus violentes, mais j'ai jamais vu un geste de la sorte. C'est épouvantable que de se ruer de coups sur un entraîneur. Donc, est-ce qu'il va y avoir pénalité? T'sais, on est déjà éliminé. Est-ce qu'il va y avoir suspension pour l'année prochaine pour la charité? Ben, en tant que tel, si tu commets des actes comme ça, tu peux pas juste t'en sortir indemne. Ben, exactement. Donc, on essaie de voir un peu où est-ce que ça va aller. Est-ce que Marc-Antoine la charité va tout simplement être suspendu clairement de la Ligue? Il pourra plus jouer dans cette Ligue-là. On sait pas encore. Parce que là, s'il a fait ça une fois... Ça veut dire qu'il peut péter sa coche n'importe quand. Ben en fait, c'est parce que clairement, il avait des intentions de vouloir atteindre les deux entraîneurs, puisque c'est sur les deux entraîneurs qu'il s'est rué le coup. Il va devoir répondre de ses actes, bien évidemment, devant un comité de la Ligue. Et ce sont pas des gestes qui sont considérés comme une suspension ordinaire, on s'entend. C'est pas comme si tu avais attaqué un joueur sur la glace en plein milieu du match après avoir reçu une pénalité c'est ou quoi ça, que ce pire. Soit. Donc, on s'entend que la charité a quand même un bon passé d'être difficile comme ça. Ah oui? OK. Il avait aussi frappé un des partisans des Loups pendant un match à la TUC un petit peu plus tôt cette saison. Il n'y avait eu aucune poursuite qui avait été intentée contre lui. Et sur les 16 gars du cas de la Madeleine à qui plusieurs personnes ont parlé, la moitié ont dit qu'ils étaient désolés de ce geste-là. Ils ne s'attachaient pas nécessairement au geste de leurs propres joueurs. On sait que ce n'est pas tout le monde qui endosse des gestes comme ceux-là. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec ce joueur-là? On ne sait pas encore. Mais bien évidemment, ça va sortir dans les médias d'ici quelques jours, j'ai bien l'impression. Et c'est une victoire en 5 parties contre le cas de la Madeleine qui permet justement aux Loups de la TUC de pouvoir passer en demi-finale. Eux vont affronter le Bellemare de Louisville. C'est les champions du calendrier régulier, en fait, dans la Ligue cette année. Et les hommes d'André Lachance ont vaincu le Condor de Saint-Cyril au terme d'une série de 6 rencontres. Donc ça aussi, ça devrait être une bonne rivalité des Loups de la TUC contre le Bellemare de Louisville. Le Bellemare de Louisville qui est sensiblement aussi dans les 3 premières positions tout au long de la saison. T'sais, les Loups de la TUC, la Climatisation Cloutier et le Bellemare de Louisville étaient les trois équipes très fortes tout au long de la saison. Donc c'est sûr que ça va être un excellent spectacle. Si jamais vous voulez vous déplacer du côté de Louisville, c'est quelque chose qui pourrait peut-être vous attirer. On parle en fait aussi du hockey senior qui pourrait renaître ailleurs qu'au Cap de la Madeleine, c'est-à-dire à Grand-Mère. Parce qu'au départ, le hockey senior, c'était la Ligue mauricienne. Il y a d'autres équipes, d'autres villes qui se sont joints à ça. La Ligue a grossi un petit peu. Mais là, on parle des amateurs de hockey de la Mauricie qui se souviennent en fait du succès qu'avait connu le Extrême de Shawinigan, qui était une équipe senior qui disputait justement ses rencontres à l'aréna de Grand-Mère. En 2004-2005, l'Extrême avait récolté 24 gains en 34 matchs. Et l'année suivante, ils avaient terminé la saison avec une excellente fiche pour l'équipe. Et en 2007, on avait même remporté la Coupe des Jardins qui était remise aux champions du circuit. Donc, on essaie de voir, en fait, avec une équipe de gens d'actionnaires qui voudraient justement repartir ce club-là à Grand-Mère. Ça pourrait être quelque chose de très, très fun parce que présentement, on est à 10 formations dans la Ligue, donc ça en amènerait une 11e. Et c'est sûr et certain qu'avec la défaite du Blizzard de Trois-Rivières, on n'est pas certain en fait encore qu'est-ce qui va se passer du côté de l'équipe, qu'est-ce qui va se passer du côté de la Ligue nord-américaine de hockey. Est-ce que l'équipe va se dissoudre un petit peu? Est-ce qu'on va conserver cette équipe-là? Ce sont tous des questionnements que la plupart des amateurs de hockey à Trois-Rivières se posent. Parce que bien évidemment, si tu es amateur de hockey, tu connais un petit peu justement ce qui se passe avec la Ligue de hockey nord-américaine, mais aussi avec la Ligue de hockey senior A. Et présentement, bien la Ligue de hockey senior A a une très grande popularité face à celle qu'on retrouve au Blizzard de Trois-Rivières. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais quand même, ce sont tous des sports où ça peut jouer rough, il faut se le rappeler. Mais si vous êtes du genre à aimer le bon hockey, la Ligue de hockey senior A a vraiment augmenté leur performance. Ils sont allés chercher des joueurs qui sont excellents aussi. Donc, ça joue plus au hockey que ça faisait juste se battre il y a quelques années. Ouais. Voilà. Cool. C'est tout, Mathieu. Merci, c'est un petit peu ce qui s'est passé du côté du sport en Mauricie cette semaine et durant la dernière semaine. C'est ça. Pas la meilleure semaine. Beaucoup d'éliminations, mais quand même, lorsqu'on a des belles prestations, ça sort un petit peu du lot. Donc, félicitations aux deux équipes des Patriotes de l'UQTR du côté du soccer. Absolument. J'ai bien hâte de voir comment les semaines qui s'en viennent vont changer un peu moi de aussi. Style côté chronique de sport et filoché. Oui, probablement. On va parler d'autres choses, pas mal. Ah, mais on te retrouve tous les lundis matin à Assemblage Rocky. Merci, Tania. Fait plaisir. On écoute Ostra avec la pièce Utopia et plus tard, il va y avoir du C'est un fait à Assemblage Rocky. Restez avec nous. La pièce Utopia à Assemblage Rocky. Autour de la pause, c'est un fait. Ça en vient. Puis après ça, c'est full sexe. Ouh! Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89 Assemblage Rocky pour toi. On est toujours toujours dans l'assemblage requis lundi matin. Oui. Et le début de la semaine. C'est plus sûr. Donc, automatiquement, faut faire certaines choses avec Mathieu Plante et Tania Bourdin. OK, oui, comme. Il faut apprendre. Oui, apprendre. Comme, mettons, avant d'apprendre, comme des affaires vraiment importantes, est-ce qu'on va faire un petit peu le tour du campus? Ben oui, parce qu'il faut apprendre des affaires. C'est la demi-heure où on apprend. Exactement. Donc, mettons un petit chapeau là, d'étudiant. Oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis, mais je le mets. Là. C'est ça. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Tu étudies à l'UQTR et tu aimes utiliser une caméra? Le réseau de l'Université du Québec organise un concours de vidéos dont la date limite pour participer est le 19 mars. Des prix totalisant 13 000 $ sont à gagner. Pour plus de détails, rendez-vous sur Google et cherchez UQuébec concours vidéo. Avis à tous les étudiants qui aiment s'impliquer et faire une différence dans leur milieu. L'AGE UQTR lance l'appel à la candidature pour tous les postes au sein de son exécutif. Finance, vie associative, communication, vie académique, etc. Les formulaires sont disponibles au local 10-22 du pavillon de la vie étudiante de l'UQTR. La date limite pour soumettre sa candidature, le 3 mars à 17h. La période de candidature pour la 19e édition du défi Ose entreprendre est lancée. Deux catégories sont disponibles, entrepreneuriat étudiant et création d'entreprise. Un total de 600 000 $ sera offert aux gagnants. Pour soumettre votre candidature, allez au www.oseentreprendre.quebec. Katia Pelletier, chargée de cours au département des sciences de l'éducation, offrira un atelier sur la nouvelle orthographe et ses nouvelles règles. L'activité aura lieu le mardi 14 mars de midi à 13h30 au local 2098 du pavillon Reggae de l'UQTR. Il faut s'inscrire au uqtr.ca/caf. Le professeur au département de psychologie, Dominique Gamache, et son équipe sont à la recherche de participants pour une étude. Il s'agit d'un test d'une durée de 35 minutes sur les traits de personnalité socio-indésirables. Pour accéder au questionnaire, rendez-vous sur Google et cherchez SurveyMonkey, ELSRP36. L'équipe de recherche remercie grandement les participants pour leur disponibilité. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, visitez Zone Campus et zonecampus.ca. L'Info Campus qui est écrit par David Ferron, le rédacteur en chef du journal Zone Campus, lui par Tania Baudin. Une nouvelle capsule du lundi au jeudi à 6h30, à 9h, 8h30, à midi et 18h, ainsi que les vendredis à 11h, ainsi qu'à 17h. Donc merci à toute l'équipe pour cette Info Campus. Hey, fait plaisir, mais ça adore la production. Ce matin, je sais pas, il y a comme un son que je comprends pas dans cette Info Campus. On va réaliser tantôt, c'est pas grave. Donc, maintenant, c'est le moment d'apprendre des choses sur la vie en général, d'avoir des connaissances générales ce jour bon. Donc, voici la chronique éducative. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la des choses véritables et vérifiables selon Internet. Commençons avec des maisons hantées qui seraient des fois... tu sais, des fois, on dit une maison hantée complètement n'importe quoi. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Mm-hmm. Ben, je suis bien d'accord avec ça. Par contre, ça pourrait être des fois le résultat de fuites dangereuses comme de monoxyde de carbone qui peuvent causer des hallucinations. Selon le toxicologue Albert Donney, qui croit que l'exposition chronique à des substances comme le monoxyde de carbone, des pesticides et du formaldéhyde peuvent mener à des hallucinations, un peu comme celles qui sont associées à des maisons hantées. Il spécule donc sur la connexion entre les lampes à gaz pendant l'époque victorienne et le début du 20e siècle où les histoires de fantômes commençaient à sortir. Il a appelé ça le « Haunted House Syndrome ». Donné dit que l'empoisonnement par monoxyde de carbone a été lié à des maisons hantées depuis au moins les années 20. Citant un article de journal en 1921 qui parlait d'une famille qui souffrait de maux de tête, d'hallucinations auditives, de fatigue, de mélancolie et d'autres symptômes associés aux maisons hantées étranges. Un premier ministre grec dans les années 1830 a essayé d'amener la patate en Grèce, mais les gens n'étaient pas intéressés par les patates, donc il a mis des gardes armés devant des cargaisons de patates pour que les gens pensent que c'était important. Non. Les gens plus tard ont commencé à voler ces patates-là, et c'est ce qui a fait que les patates sont arrivées en Grèce. Ah, cool, hein? C'est très cool. Ouais, le fruit défendu, comme on appelle. Ben oui. Mais dans ce cas-là, un légume. Il y a un type sanguin rare, un groupe sanguin qu'on appelle le HH ou le OH. qui a été découvert pour la première fois en 1952 à Bombay en Inde. On a aussi appelé ça le Bombay Blood Group, donc le groupe sanguin Bombay. Ce sang-là est tellement rare qu'il y a seulement 4 personnes sur 1 million qui l'ont dans le monde. Par contre, une personne sur 10 000 là à Mumbai, Bombay. Donc c'est là que ça se... s'est partagé le plus, le type sanguin H/H. Ensuite, un homme en Angleterre qui est mort de rire, le rire continu, qui regardait un épisode des années 70 de Goodies. Sa femme a envoyé une lettre à ceux qui s'occupaient de The Goodies, les remerciant d'avoir au moins fait que ces derniers moments étaient plaisants. C'est cute, hein? Très cute. En 1888, le frère d'Alfred Nobel est mort, mais un article a publié son texte quand tu meurs. C'est nécrologique. Testament? Non, c'est l'article nécrologique. Ouais. Qui le condamnait d'avoir inventé la dynamite. Disant donc comme grand titre « The Merchant of Death is Dead ». Donc le marchand de la mort est mort. Oh, c'est comme ça qu'il avait parlé d'Alfred Nobel. Alfred était tellement... le frère d'Alfred, pardon. Okay. Donc Alfred était tellement déçu parce qu'il a lu, qu'il a utilisé sa richesse pour célébrer l'humanité et a créé donc le prix Nobel parce que le journal avait parlé en mal de son frère comme étant l'inventeur de la dynamite alors qu'il avait, j'imagine, fait plein d'autres choses. Ben, c'est sûr. Le thé glacé Arizona, qui a pas changé son prix de 99 cents depuis 1992. Hein? Tu sais, le thé glacé, genre un verre pastel un peu, là. 99 cents depuis 92, ça changera probablement jamais. Ouais, je sais. C'est comme ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est on tellement adore bon, ça. En plus. C'est tellement géant, en plus, comme canette. Ah oui, bonne grosse canette, là. C'est en là pour ta soif. Ensuite, les officiers de police de New York transportaient sur eux un bâton de 11 pouces le jour. Tu sais, les bâtons, là, pour frapper les gens. Mm-hmm. Donc, une matraque. Une matraque. Donc, de 11 pouces pendant la journée et de 26 pouces dans les clubs, dans les boîtes de nuit ou à l'extérieur des boîtes de nuit, la nuit, pour pouvoir se protéger plus. Parce que c'était nécessaire à ce moment-là. Donc, l'origine du terme nightstick vient de là. Wow. Ensuite, l'invention du ballon d'eau moderne était accidentelle. L'inventeur anglais, en 1950, essayait de créer un bas à l'épreuve de l'eau qui allait empêcher donc l'eau de s'infiltrer dans les bas. Il a fabriqué donc un bas avec une petite couche de latex. Il a rempli ça d'eau pour tester, voir s'il y avait des fuites. Il a remarqué qu'il y avait un petit peu d'eau qui sortait du côté. Donc là, il était super déprimé à cause de son échec. Il l'a lancé sur la table et là, il était content de voir le splash que ça a fait. Donc il a décidé de vendre ça comme ballon d'eau pour les enfants, pour les amuser. Pas pire. Quand même sympathique. Ensuite, les chutes Niagara ont déjà été sans eau. Sans eau. En 1969, l'eau a été redirigée ailleurs pour que les ingénieurs puissent améliorer sur la construction, sur certaines places dans les chutes, finalement, pour empêcher l'érosion et tout ça. Ah, donc, ouais. On a enlevé l'eau de là, on l'a changé de place et il y a une photo disponible sur assemblagerequis.com de quoi ont l'air les chutes Niagara sans leur eau. Et tu pourrais pas faire ça aujourd'hui, hein? Non. Ensuite, Netherlands, c'est les Pays-Bas? Oui. Qui ont plus de 66 viaducs, mais boisés. Ouh. Donc, c'est vraiment des viaducs qui passent par-dessus les routes, mais c'est du bois. Donc, c'est du bois, c'est un bois. Donc, avec du gazon, avec des arbres sur les côtés. Donc, des viaducs 66 aux Pays-Bas. Ça doit être beau. Super joli. Il y a une photo sur assemblagerequis.com, encore une fois. Ensuite, une mine de sel profonde de 1000 pieds en Ukraine est utilisée pour traiter les problèmes de respiration. On appelle ça de la spéléothérapie. Donc, c'est la science qui étudie les caves, la spéléologie, hein, et spéléothérapie, donc, pour aller avec. On dit qu'en 1950, en Pologne, dans les années 50, oui, on a découvert que les gens qui travaillaient dans des mines avaient moins de maladies respiratoires. Donc, on a commencé à enquêter sur les effets des caves, des grottes, et particulièrement les grottes de sel. Donc, c'est environ... On dit que la température dans ces grottes-là est à peu près la même toute l'année, à environ 22 degrés Celsius. Encore une fois, c'est 300 mètres de profond ou 1000 pieds. Mm-hmm. Pendant des décennies, on envoie des patients d'hôpitaux qui souffrent d'asthme, d'allergies saisonnières et de blocages aux bronches pour passer tout le temps dans le noir, dans des galeries humides où l'air est rempli de sel et ça sert un petit peu de décongestionnant. Donc voilà. Un peu comme prendre sa douche des fois avec du sel, son bain avec du sel Epsom ou prendre une douche qui va libérer tes voies nasales. Ça fait du bien. Ouais. Ensuite, en Finlande, le mot kalsarikanit, là évidemment la prononciation est aucunement la bonne, mais kalsarikanit est utilisé pour décrire le sentiment que tu vis quand tu dois, quand tu peux retourner à la maison pour te saouler dans tes sous-vêtements. Ah mon Dieu, c'est quoi ça? Kalsarikanit. T'es-tu sérieux? Je m'en vais kalsarikanité. Je suis pas sûr que je fais ça. Enfin, non. En sous-vêtements, non, c'est tu bois, mais pas en sous-vêtements. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ensuite, les fleurs ont été utilisées traditionnellement aux funérailles pour cacher, masquer l'odeur de la décomposition. Ah. C'est pour ça qu'on sert de fleurs sur les cercueils. C'est triste. À Laguna, au Brésil, les dauphins vont amener les poissons vers les pêcheurs locaux et vont ensuite signaler aux pêcheurs de lancer leurs filets. Alors, les dauphins vont ensuite manger les poissons qui réussissent à s'échapper de ces filets-là. On les a pas entraînés pour ça, pour ce comportement-là du tout. La collaboration, par contre, a commencé naturellement en 1847 au moins. Donc, c'est dans une ville brésilienne située dans l'état du sud de Santa Catarina. Une collaboration donc intéressante qui s'est développée donc par les dauphins et par les pêcheurs. C'est un phénomène qu'on voit aussi dans l'Afrique de l'Ouest, mais nulle part ailleurs dans le monde. C'est un phénomène qui attire les biologistes marins et les historiens de l'histoire naturelle pour étudier donc cette relation particulière. Il y a une petite vidéo si vous voulez aller voir sur assemblagerequis.com. En 1972, le président Richard Nixon, président américain bien sûr, a appelé le coach des Miami Dolphins, Don Shula, avant le Super Bowl et a recommandé un certain type de jeu, là, j'irai pas dans les détails, une semaine avant, apparemment qu'il a fait la même chose avec le propriétaire ou le coach des Washington Redskins. Les deux équipes ont fait exactement le jeu que Richard Nixon a suggéré. Les deux ont échoué, les deux équipes ont perdu. Non! Je te jure. Malaise! Ouais, Richard Nixon... Un fan de football, mais pas nécessairement ouais, quelqu'un ça, à suivre. Exactement, plus un singe crie fort, plus ses testicules sont petites, selon une étude publiée par les chercheurs de l'Utah. Quoi? Ouais, vous pouvez en tirer l'analyse que vous voulez. Oh boy. Robert Downey Jr. crédite ou donne la raison d'être à Burger King. Apparemment, c'est Burger King qui a aidé Robert Downey Jr. à arrêter de prendre la drogue. Okay. Apparemment, il a mangé un burger, et c'est pas positif, un burger tellement dégueulasse que ça lui a fait repenser à ses choix dans la vie et il a jeté toutes ses drogues dans l'océan. Ben voyons donc. J'avoue, hier je passais par Québec et il y avait un gros. Tu t'es dit. Il y avait un gros Burger King. J'ai dit, wash un Burger King. C'est vrai. Dit, c'est le commentaire qu'on dit, wash un Burger c'est King. C'est vrai. Dégasse. Ensuite, le popcorn a été banni dans les cinémas dans les années 20 à cause du bruit que ça faisait en le mangeant. Ben là. Hein? Ben ouais, mais là, hein? C'est ça. C'est vrai. Ensuite, il y a déjà eu un type de chien qu'on appelait le chien Turnspit, comme dans Crash Tourne, Crash, c'est comme Crash, attends. Bref, le chien courait sur une roue pour faire tourner la viande, pour que la viande se fasse cuire de tous les côtés. C'est un peu comme sur une brochette, hein, des fois. On voit la viande tourner dessus. Donc, c'est le chien qui faisait tourner la viande. Finalement, le chien a fini par... La race a fini par s'éteindre lorsque des machines ont été inventées pour tourner la viande à la place. Ah, ouais. Donc, il n'y a plus de chien Turnspit, mais vous pouvez chercher des images sur Google. C'est surtout des dessins de ces chiens Turnspit. Le 28 juin, ça, c'est quand même assez drôle. Tu connais Stephen Hawking? Oui. T'es en chaise roulante, il parle par ordinateur. Bon. Oui. C'est un grand scientifique, un grand intelligent, oui. Un grand penseur. Donc, le 28 juin 2009, Stephen Hawking a fait un party. Okay. Avec des hors-d'œuvre, du champagne glacé, etc. Mais a seulement parlé du party après le party. Comme ça, il y aurait seulement des voyageurs temporels, des voyageurs dans le temps qui se présenteraient à son party. Mais comme il s'y attendait, personne ne s'est présenté. Ah. Donc ça amène la théorie que peut-être que les voyageurs dans le temps n'existent pas. Hein? Wow, OK. Ensuite, il y a une place, encore une fois, aux Pays-Bas qui permet aux étudiants universitaires de rester là gratuitement pendant 30 heures de bénévolat par mois. En échange de 30 heures de bénévolat. Donc, ils peuvent rester là-bas gratuitement en échange de 30 heures de bénévolat par mois. Ah, c'est cool, ça? Lorsque les étudiants reviennent à la maison de leur cours, d'un concert ou d'un party ou peu importe, ils vont venir partager leurs expériences avec des personnes âgées, les voisins dans le bloc appartement. Oh! Certains ont plus de 90 ans. Donc, c'est cute. En échange de 30 heures de bénévolat par mois, ils peuvent rester gratuitement dans ce C'est comme endroit. Celui qui, je sais pas si tu as vu passer ça sur Facebook, mais qui a changé les devants de chambre dans une résidence pour personnes âgées pour en faire des mini devants de maison. C'est cute, hein? Des portes vieillottes. Moi, là, j'aime les personnes âgées. Oui, là, je sais. D'amour pur. Ça lui a mis de la joie dans mon cœur. Ah! Ensuite, on s'en va en Inde, qui célèbre la journée des enfants le 14 novembre, et c'est exactement 9 mois après la Saint-Valentin. Oh, wow. Cute, hein? En 2011, une femme a donné naissance à son propre petit-fils. Pardon? Tu vas me dire, ah ouais, c'est ça, mais comment ça se fait? On va expliquer un petit peu l'histoire. Sarah et Bill Connell étaient incapables d'avoir des enfants. Ils ont essayé plusieurs fois, plusieurs techniques. Bon, Sarah et Bill, pas d'enfants. La mère de Sarah, Casey, a accepté d'être la mère porteuse de leur bébé, voulant dire qu'elle allait donc avoir à l'intérieur d'elle le bébé venant de l'œuf, des œufs et du sperme. Bon. Donc, en février 2011, Christine Casey, 61 ans, a donné naissance à un bébé bien en santé et est aussi devenue la femme la plus âgée à donner naissance à Chicago, en général, mais elle est donc aussi la mère de son propre petit-fils. Wow. C'est quelque chose. C'est ça. Ensuite, les îles Canaries, où il y a un langage sifflé que tous les habitants de l'île peuvent comprendre, nous dit-on. C'était développé pour que les gens puissent se parler à de longues distances, jusqu'à 5 km. C'est un langage qui est un petit peu mourant, mais il est en train de faire quand même un petit comeback en ce moment. Ouais. Ça s'appelle le Silbo Gomero, ou sinon El Silbo, comme dans le sifflement. C'est donc un registre de l'espagnol sifflé, utilisé par les habitants de La Gomera dans les îles Canaries pour communiquer par-dessus les monts et vallées, peu importe. Ça permet donc à un message d'être échangé. Et comme c'est vraiment très, très fort, généralement, c'est utilisé dans des circonstances de communication publique, des gens de « Oh yeah, oh yeah, mesdames et messieurs ». Donc les messages peuvent être des événements publics, des messages d'intérêt public, sinon ce genre de trucs. On aime ça. Ensuite, un concierge. C'est un concierge qui a inventé les Flamin' Hot Cheetos. Pour vrai? C'est des Cheetos très, très piquants. Là. Ouais. Il est maintenant vice-président exécutif de la compagnie. Wow. Tu vois, une idée à succès, les Flamin' Hot Cheetos. On le remercie. Le mont Rushmore, tu sais, les faces de président américain. Oui. Le mont Rushmore a un corridor avec des escaliers de granit, un corridor caché, qui est fait, en fait, pour pouvoir y installer des reliques de documents américains. Ou c'est des reliques, des statuettes, de, peu importe. Donc, il y a un corridor dans Mount Rushmore. Ah ben, mon Dieu. Eh ben. Le poulet Araucana, qui est aussi appelé le poulet œuf de Pâques, parce que la poule, sort des œufs bleus, verts, roses et bruns. Hein? Ils sont de cette couleur-là quand ils sortent. Ben, voyons donc. On montre même sur la photo une douzaine d'œufs avec toutes les couleurs que ces poulets-là peuvent faire. C'est dommage drôle. C'est poule, c'est le féminin qui fait les œufs. Poule. Ouais. Poule. Ensuite. Petite poulette. Ouais, petite poulette. L'inventeur du Automatic Telephone Switching. Donc, tu sais, quand on parle des switchboards de téléphone qu'il fallait débrancher, rebrancher dans le temps. Bref, c'était un homme nommé Alman Stroger qui a créé ça parce que sa femme. Lui, c'était Undertaker, ceux qui s'occupent des morts, là. Je vais juste m'assurer en français du terme. Je suis désolé de ma recherche. C'est de pompe funèbre, un entrepreneur de pompe funèbre. Un croque-mort, des fois, qu'on appelle. Un croque-mort, oui, voilà. Un croque-monsieur. Donc, c'était un croque-mort nommé Alman Stroger qui a créé ça parce que la femme de son compétiteur était l'opératrice de la ville. Tu sais, celle qui devait passer les appels de ligne en ligne et elle redirigeait les appels pour n'importe quel croque-mort. Les gens appelaient pour un croque-mort et redirigeaient ça à son mari à la place de Stroger. Donc, Stroger a inventé le switchboard de téléphone automatique. Excellente pas idée. Pas pire, hein? Parmi les peuples turcs, les différentes pas sûr, les Turcs. Donc, il y a un sport qui s'appelle Girl Chasing où un homme et une femme vont faire la course l'un contre l'autre à dos de cheval. Si l'homme gagne, il a droit à un baiser de la femme. Et si la femme gagne, elle peut battre l'homme avec un fouet. Mais voyons, c'est quoi ça? Je te jure, parmi les peuples turcs, Girl Chasing, c'est le nom. Faut qu'on se parle, mesdames turques. Finalement, Jake Perry, qui est le propriétaire de plusieurs records. En fait, c'est le propriétaire consécutif de ce record-là pour le plus vieux chat domestique au monde. Okay. Crème Puff est son nom. Crème Puff. Qui a vécu jusqu'à 38 ans, qui est l'équivalent de 165 ans pour un humain. Le tiers des chats de Perry ont vécu dépasser l'âge de 30 ans. Wow. Le gars prend soin de ses animaux de compagnie. Vraiment? C'est le fun, j'admire ça, moi. Jake Perry et Crème Puff, 38 ans. Jake Perry, Crème Puff. Oh! C'est cute. Voilà, c'est tout pour cette édition de C'est un fait. On a appris des choses, j'aime ça. Ben oui! Moi. J'aime ça apprendre. Il faut tout le temps apprendre. La curiosité, Tania. Exactement. Mais malheureusement, ça va devoir être tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30. Demain à l'émission, mardi, qu'est-ce qu'on a? On a Véronique Mire à 7h30 pour sa Véronique Lopézie. Ensuite, à 8h, heure spéciale, heure normale, jour spécial pour Alassalia Kouyi, qui va être avec nous à 8h parce que la semaine de relâche ne peut pas être là. Ensuite, à 8h30, David Ferron pour nous parler du journal Zone Campus qui sort demain. Et donc, ça, c'est demain entre 6h30 et 9h30. Sur nos ondes plus tard aujourd'hui, bien sûr, c'est Full Sex s'en vient à 9h30. Pourquoi pas? Mm-hmm. Ensuite, à 11h, ce sera Lucas Hubert et Sébastien F. Guertin qui vont être là pour la sortie de secours à votre gauche. À midi, c'est la rediffusion de Rock Classique. À 20h, Rock de Neuron va être là en direct avec du rock progressif. Comme j'ai dit, c'est Full Sex. Restez là. Merci, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Merci à Dominique Notmovungu. Oui. Et c'est tout. C'est pas mal tout. Comment ça? On se quitte avec Japan Droids et leur extrait Near to the Wild Heart of Life. Et on se retrouve demain matin. Bonne journée. Bye, bonne journée. Bon café. Bon café aussi, bon café. But now